bébé. Faut qu'on se touche frotte, qu'on danse le col est serré. Je voudrais qu'on fasse l'amour debout et non allongé. L'adrénaline monte, l'excitation s'empare de mon corps, bébé. Juste une danse, chérie, je te kiffe tellement. Qu'on serait en phase, bébé. Allez, accorde-moi juste celle-là. Faut qu'on se zouk ensemble et sache que je ne veux que toi et quoi. Prends ma main, ça n'engage à rien, tu sais. Ambiance de clope, je sais. Sans lendemain, j'essaie de vivre l'instant présent en bonne compagnie. Et yo, baby, baby girl, c'est toi que j'ai choisi pour. Juste une danse, chérie, je te kiffe tellement. Te faire danser doucement, je veux déguster.